Range Rover, c'est que bien qu'elle y ait tout mettre sur son côté. Range Rover, à l'intérieur de toi, laisse-moi piloter. Quand t'arrives dans cette robe, tu ressembles à une maladie. Tu veux rester, mais entre nous, c'est impossible. Je veux laisser mon goût sur tes papilles. Je peux rentrer dans ta famille, moi j'ai trop de papiers. Yeah. Y'a que quand je la douguine qu'elle me donne du respect. Tu sais, t'es la sœur d'un tel, donc il faut qu'on reste calme. J'allais bon. J't'éclate le champagne comme Kofi Olomide. J't'ai déclaré ma flamme, Johnny Hallyday. Tu m'as vu arriver, donc t'es rempli de mauvaises idées. Donc en un regard, j'peux gonfler ta libido. Fais pas doucement. Bouge ton boule sur le son, fais ça bien. Doucement. Bouge ton boule sur le son, fais ça bien. Y'a que quand je la douguine qu'elle me donne du respect. Tu sais, t'es la sœur d'un tel, donc il faut qu'on reste calme. J'la lève en hymne. Chérie, doucement, entre nous, y'a trop d'amour. Chérie, doucement, entre nous, y'a trop d'amour. Voilà.